Jouant son rôle d'intermédiaire, flasque et bien vidé, avec comme support corporel une canne en fer forgé, forme de mise sous tutelle. C'est charisme des cerveaux qui fuit plus qu'il ne pense et qui pense installer ce qu'il désire comme ambiance. Prolétaire énervé, assidu dans la culture, voit les trains dérailler là, la tête dans le mur. Et oui, c'est vrai, il y aura des rêves tant que nos verres seront sur le comptoir. Mais oui, c'est vrai, ici c'est marché crève. Quand graverons-nous cela au fond de nos mémoires? Ça crie, casse-toi, pauvre con, bon, ça fustige l'insoumis. Remets sur le couvert Rolex et la scientologie. Ça s'agite et ça court, et pas que le lapin, un mannequin à la course, c'est vrai, ça lui va si bien. Récipice est bien reçu, dictateur recommandé, allez plante ta tente en Kadhafi. Nité, séparation des pouvoirs, Figaro et Gala, serviette et torchon confondus, pendu au fil de l'État. Mais oui, c'est vrai, il y aura des rêves tant que nos verres seront sur le comptoir. Mais oui, c'est vrai, ici c'est marché crève. Quand graverons-nous cela au tréfonds de nos mémoires? Subvention improbable, à moins de licencier avec pot de vin sous la table. Média scénarisé, à chaque jour son image. La dinde est préparée, voilà qu'on t'apporte son fourrage. La veille de sortie, et les caméras. Prime time à l'appui, on flatte son électorat. Fracture des utopies, massacre des libertés. Voilà qu'on chasse, qu'on trie nos frères immigrés. Mais oui, c'est vrai, il y aura des rêves tant que nos verres seront sur le comptoir. Mais oui, c'est vrai, ici c'est marché crève. Quand graverons-nous cela au tréfonds de nos mémoires? Comptoir étincelant, pierre à réaction soudaine, rejette de soie farne, mais nageant pas leur peine. Sourire en coin de lèvres, échange intempestif. Allez viens, ça te dit, sors avec moi. On va se cramer un spliff. Allez viens. Mais oui, c'est vrai, il y aura des rêves tant que nos verres trinqueront sur le comptoir. Mais oui, c'est vrai, même si ici c'est marché crève, il y aura toujours un peu d'espoir. Mais oui, c'est vrai, il y aura des rêves tant que nos verres seront sur le comptoir. Mais oui, c'est vrai, si c'est marché crève, il nous restera toujours quelque chose à boire.